bought a winny hat, a winny hat. Et ma femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame, voudrais bien entrer. Ah ben, a dit, entrez donc, ben, maintenant, mon mari doit revenir là. Il y a des hommes de rien qui rentrent, qui rentrent. Il y a des hommes de rien qui rentrent sans faire rien. Après qu'il a eu entré, ah oui, ah oui, ah oui. La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame, voudrais bien me chauffer. Ah ben, elle dit, chauffe-toi donc, ben, artiment, mon mari t'aura mis de là. Il y a des hommes de rien qui chauffent, qui chauffent. Il y a des hommes de rien qui chauffent, ça fait rien. Il y a des hommes de rien qui chauffent, qui chauffent. Il y a des hommes de rien qui chauffent, ça fait rien. Après qu'il s'est chauffé, ah oui, ah oui, ah oui. La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame, voudrais bien me coucher. Ah ben, vas-y, couche-toi donc, ben, gentiment, mon mari, toi, la bête là. Il y a des hommes de rien qui se couchent, qui se couchent. Il y a des hommes de rien qui se couchent, ça fait rien. Il y a des hommes de rien qui se couchent, ça fait rien. Après qu'il s'est couché, ah oui, ah oui, ah oui. La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame, voudrais bien vous embrasser. Ah ben, vas-y, embrasse-moi donc, ben, gentiment, mon mari, toi, la vie de là. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent et qui m'embrassent. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent, ça fait rien. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent, qui m'embrassent. Après qu'il l'a embrassé, ah oui, n'est-ce pas? Ah oui, n'est-ce pas? La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame, voudrais bien m'en aller. Ah ben, a dit ça que ton camin, a dit ma, mon mari t'aurait mis de là. Il y a des hommes de rien qui s'en vont, puis qui s'en vont. Il y a des hommes de rien qui s'en vont, puis qui font rien. Il y a des hommes de rien qui s'en vont, puis qui font rien.